Les journaux russes ont traité le 53e anniversaire de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti du travail de Corée. Les journaux Komsomolskaya Pravda et Tumenskaya Pravda ont inséré le portrait en sourire du général et le journal Javtra a exalté les exploits mortels du général qui a conduit à la victoire le duel coréo-américain avec le courage propre aux commandants prestigieux. Le journal internet du territoire maritime de Khabarovsk, Zivridewe, a exalté l'histoire impérissable de la direction du parti du général pendant des dizaines d'années.